Autour des tables rondes, des bourgeois mangeaient. Un garçon de café circulait. Monsieur Mnabarnou était dans le fond, à droite. Il s'assit sur la longue banquette de velours, ayant ramassé un journal qui se trouvait là. Il devait, à Montereau, prendre la diligence de Châlons. Leur voyage en Suisse durerait un mois. Madame Arnoux blaba son mari de sa faiblesse pour son enfant. Il chuchota dans son oreille, une gracieuseté sans doute, car elle sourit. Puis il se dérangea pour fermer derrière son cou le rideau de la fenêtre. Le plafond, bas et tout blanc, rabattait une lumière crue. Frédéric, en face, distinguait l'ombre de Cécile. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre, sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Quelquefois, par les hublots, on voyait glisser le flanc d'une barque qui accostait le navire pour prendre ou déposer des voyageurs. Les gens attablés se penchaient aux ouvertures et nommaient les pays riverains. Arnoux se plaignait de la cuisine. Il se récria considérablement devant l'addition et il la fit réduire. Puis il amena le jeune homme à l'avant du bateau pour boire des grogs. Mais Frédéric s'en retourna bientôt sous la tente où Madame Arnoux était revenue. Elle lisait un mince volume à couverture grise. Les deux coins de sa bouche se relevaient par moments et un éclair de plaisir illuminait son front. Il jalousa celui qui avait inventé ces choses dont il paraissait occupé. Plus il la contemplait, plus il sentait, entre elle et lui, se creuser des abîmes. Il songeait qu'il faudrait la quitter tout à l'heure, irrévocablement, sans en avoir arraché une parole, sans lui laisser même un souvenir.